Bonsoir, amateurs de bonne musique. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et c'est l'émission Terra Incognita jusqu'à 24 heures, jusqu'à minuit. Et vous êtes en compagnie de Bruno à la mise en onde et de Jean-François à l'animation. Et Bruno me demandait si j'étais revenu. Ben effectivement, je suis revenu d'une petite virée en France et non pas en Grèce, là, comme Bruno pouvait le penser. Et là-dessus, on a eu bien du plaisir pendant un certain temps. Et je voudrais dire un petit salut à Daniel et Hélène qui se reconnaîtront probablement. Et encore une fois, nous avons beaucoup de bonne musique pour vous. Entre autres, le groupe Gandalf Fist qui a sorti un nouvel album qui s'appelle The Clockwork Fable. Et ce disque-là, c'est un gros disque qui contient 3 CD de plus d'une heure chacun. Et c'est très ambitieux, c'est comme une sorte d'opéra rock avec de la narration, mais aussi des pièces à saveur celtique. Et c'est sur un disque qui était contenu sur le magazine Prog, magazine britannique. Il y avait un sampler de cet album-là et je me suis dit je vais prendre une chance sur ce disque-là et c'est assez bon, mais disons que sur la durée ça prend un certain temps avant de tout assimiler ça. Donc on va le découvrir presque ensemble puisque je l'ai écouté juste une fois. On va entendre une pièce qui s'appelle The Limelighter Part 1-8. Et ce sera suivi de Necromonkey, le groupe suédois qu'on aura l'occasion de voir le 16 octobre prochain. D'ailleurs, vous êtes invités à aller voir ce groupe-là. Il reste encore des places assises, il faut bien le préciser, au bar Lanti. Et ce sera sûrement très intéressant puisqu'il y aura Richard Schoblum aussi, qui sera l'artiste invité. Tout le monde connaît Richard Schoblum pour sa participation à Beard Fish, qu'on entendrait un petit peu plus tard. Et on nous aurons aussi Steven Wilson avec un nouvel album qui s'appelle Transience qui est sorti dernièrement. C'est une sorte de compilation avec quelques inédits. Et donc, ça va compléter ce premier bloc et on revient tout de suite après. Thank you. Why you say?

Le très bon Steven Wilson qui continue d'impressionner en remasterisant et en remixant des albums de musique progressive des années 70. Et ben, je pense que on l'appelle le petit prince du prog, même si lui se défend bien d'appartenir à ce monde-là. Et bon, on pourra en discuter longtemps, là, mais les étiquettes. Et ça vient de son album qui vient de sortir, qui s'appelle Transcience, qui est une compilation des nouvelles versions de pièces et bon, toutes sortes de choses. Et ça permet d'initier les gens à ce qu'il a fait dans sa carrière solo, en espérant qu'il va reformer un jour Porcupine Tree, ce dont il se défendait assez vigoureusement dans les dernières années, mais il laisse entrevoir une possibilité depuis quelques mois. Et juste avant, c'était Necro Monkey avec le très bon batteur de Laurent de la Gare et un musicien de Gösta Berling Saga. Et ben, on a bien hâte de les voir en nos murs, et ça, c'est bientôt, là, c'est dans 2 semaines, le 16 octobre. Au bar Lanty, il y a encore des billets de disponibles. Contactez Michel Bilodeau sur le site de Terra Incognita. Et on avait débuté avec une œuvre fleuve du groupe Gandalf Fist. Et ça s'appelle The Clockwork Fable. Et bien, J'insiste pas trop sur les titres et parce que vous pouvez aller chercher la playlist de l'émission, la feuille de route si vous voulez, sur le site www.terraincognita.québec. Et vous allez à l'onglet radio et vous allez avoir la liste de ce qui joue avec les noms de groupe, les titres d'albums et le titre des pièces. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita et vous pouvez nous rejoindre au 640 15 86. Évidemment, c'est pendant que la musique joue, parce que pendant les micros, je ne pourrais pas vous parler, ça va de soi. Et si vous voulez nous envoyer un message, Terra Incognita, _CKRL@hotmail.com. Et je vous signale aussi que les podcasts sont disponibles sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca. Et vous allez dans la programmation, vous cherchez l'émission Terra Incognita. Si vous voulez réentendre les pièces que vous avez entendues, vous pouvez le faire et vous pouvez sauver tout ça. Vous pouvez même vous abonner, ce dont je vous encourage à faire. Et je vous signale que JJ Project, qui reprennent les pièces de Gentle Giant, seront au Centre d'art La Chapelle en début d'année, c'est le 7 janvier. Et il y a aussi IQ qui a été annoncé, mais comme France qui a l'habitude de faire les spectacles, France n'est pas là ce soir, mais je crois que c'est le 8 avril 2017, mais sous toute réserve, je pense que les billets sont déjà en vente. Et je vous avais parlé lors de la dernière émission du magazine Progressiste. Le numéro 85 est sorti. On a entendu plusieurs pièces lors de la dernière émission. Et on va en entendre une autre un peu plus tard. Mais je voulais vous parler aussi de certains articles il y a une rétrospective de la carrière de Stanley Clarke qui a fait les beaux jours de Return to Forever. On parle aussi de Motor Psycho. Un bon groupe qui vient de la Norvège, mais qui est un petit peu hors norme, mais on va en entendre une pièce un petit peu plus tard. On parle aussi du coffret collecteur de King Crimson sur Starless, qui s'appelle Starless, mais aussi une entrevue avec Dave Brock du groupe Hawkwind, et je vous encourage à aller chercher tout ça. Et pour ce deuxième bloc, on va entendre A Cycle, un groupe qu'on a connu aussi, qui vient de la Norvège, mais qu'on a connu via les disques promotion du magazine Progressiste et leur album Music for Wasteland, qui est sorti en cours d'année, est très bon. Et on va en entendre une pièce qui s'appelle Pandemonium. Et ce sera suivi d'un gars de Trois-Rivières qui s'appelle Clément Larose, et qui a sorti un bon disque qui s'appelle Chaos, sur lequel on retrouve Jean-Pierre Zanella, un saxophoniste qui est hautement reconnu. On va entendre la pièce I'm Flying, et ce sera suivi de l'acte 5 du groupe de Deer Hunter. Donc on commence avec A Cycle, le groupe norvégien, avec une pièce qui s'appelle Pandemonium. We'll be right back. Thank you. of a gaze, the eyes betrayed in the arcade. Misdirection pervades and my image fades of you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. D'autres galas de la disque reviennent cette année pour récompenser les artistes et artisans du milieu du disque et du spectacle québécois. Olivier Robillard-Lavoux tiendra la barre de l'autre gala alors que Louis-José Houde animera le gala pour une 10e année consécutive. Qui remportera les prestigieux prix Félix? Écoutez l'autre gala et le gala de la disque. Deux rendez-vous les 27 octobre et 8 novembre. En collaboration avec Musique Plus, Musimax et ici Radio-Canada Télé. Tous les détails sur palmarèsadisque.ca. Nocturne. Trois polars sonores entre littérature et art audio. Une phrase captée au hasard retient mon attention. Trois duos d'artistes de Québec composés d'une auteure et une artiste sonore qui se sont inspirés de la nuit pour créer des fictions radiophoniques angoissantes et mystérieuses. Il me semblait que rien ne pouvait faire dévier mon esprit de cet engagement. Le 3 octobre, Les Lamproies de Christiane Vadnais et Myriane Rouillard. Le 4 octobre, Les Deux Sarah, Charlotte Biron et Myriam Lambert. Et le 5 octobre, Paris la nuit, Mélodie Simard-Houde et Ariane Plante. Pourquoi refuserait-on un petit bout de soi-même et de sa mémoire? L'heure du crime, 19h30. Nocturne est produite par Première Ovation, Maison de la littérature, Avatar et CKRL. Hey, merci. Tu peux-tu arrêter de filmer Chris, ce tabarnak? Des fois, il y a du monde qui font pas mon affaire. T'sais. Avant ça, moi, là, j'y ai collé ça une volée, tu sais. À ça, je peux plus faire ça. Écarté, un film de Laurence Côté-Collins. À l'affiche au cinéma Le Clap dès le 30 septembre. Tu aimes pas ça, là? Mais non. Ouais, c'est de la belle pub, ça. Moi, et Bruno, on avait du fun d'entendre ça. ce qu'on a entendu, c'est The Deer Hunter, un groupe américain sur lequel il va falloir compter. Ce disque-là s'appelle Act 5, Him with the Devils. In confessional. Le diable dans le confessionnal, c'est une belle place pour ça. Les pièces qu'on a entendues, c'est The Moon Awake. Et je vous rappelle que vous pouvez aller chercher la feuille de route je de l'émission. Je viens pas New York. Bruno, tu me fais des petits coups, là. Ça, Bruno, il y a du monde qui trouve qu'on agace un petit peu trop Bruno, mais il se venge de temps en temps. Fait que c'est pour ça qu'il nous fait des petits coups comme ça. Donc, au www.terraincognita.québec, à l'onglet radio, vous pouvez aller chercher la feuille de route de l'émission. Et ça vous permet d'avoir les noms exacts. Comme par exemple, The Deer Hunter, bon, ça va quand même assez bien. Juste avant, c'était Clément Larose, un gars de Trois-Rivières, un très bon guitariste. Son disque a été lancé le 8 avril dernier à Montréal. Et je vous ai dit qu'on retrouvait le saxophoniste réputé Jean-Pierre Zanella sur ce disque-là, ce qui donne quand même pas mal de crédibilité. Donc, on est dans un style instrumental prog rock avec une petite touche de jazz par moment. Et l'album s'appelle Chaos, C-A-O-S. Et juste avant, c'était le groupe norvégien Acycles avec leur album Music for Wastelands. Et on poursuit en musique avec le groupe Seven Impale, que moi j'avais découvert avec le magazine Progressive, justement. Et cette fois-ci, c'est un nouvel album qui s'appelle Contrapasso. Et ben Michel en a mis une pièce, je pense que ça fait 2 ou 3 semaines de ça. Et ce sera suivi de No Sounds. Ça, c'est... Ben, en fait, j'hésite à appeler ça un groupe parce que c'est... Oui, il y a un groupe, mais disons que c'est un musicien qui mène ce groupe-là à bout de bras. Donc, c'est un Italien. Et ce nouveau disque s'appelle Scintilla. Et ben, c'est merveilleusement bien présenté. C'est un beau digibook... C'est toujours par la compagnie K-Scope qui fait des packaging là, assez extraordinaires. Et dans la version que j'ai entre les mains, bien, il y a aussi un DVD là, dans la version de luxe. Bon, on retrouve toujours le son un petit peu là, langoureux là, de No Sounds. Et ce bloc se terminera par Beardfish de leur dernier album. Et on va entendre Factory. Ça vient du disque bonus qui vient avec ce disque-là, en fait sur l'édition spéciale. Et Beardfish, ben on retrouvera son leader le 16 octobre prochain au bar Lanti sur la rue Dorchester. Vous pouvez communiquer avec Michel Bilodeau à Terra Incognita pour avoir des billets. Il en reste encore. Et je vous signale que même si c'est au bar Lanti, habituellement, c'est pas debout tout le temps, là, mais dans ce cas-ci, il y aura des chaises et tout le monde sera assis. Et ben, je pense que ça vaut à peine aussi de parler de l'Heptad. On sortira le 18 novembre prochain un disque qui s'appelle l'Heptad XL avec évidemment 2 disques, mais aussi un DVD. Et c'est pour souligner le 40e anniversaire et ce sera remasterisé sous les soins de Serge Fiori et de Louis Valois. On nous dit que les bandes maîtresses étaient disparues, mais là, ils ont été retrouvés. Et bon, une chose que je savais pas, c'est que la version de l'Heptad qui est parue il y a peut-être 20 ans, ben à ce moment-là, ça avait été fait à partir d'un vinyle. Bon, j'ai appris la chose, mais le travail avait quand même été bien fait. Donc, le 18 novembre prochain, on aura une version spéciale qui s'appelle l'Heptad XL. Donc, on y va en musique avec Seven Impale. We'll be right back. acted in five acts without a plot. No Shakespeare sense, so it feels like you rot. A lot being said about evils and pain, but this spectacle brings all the prophets to shame. A reason to believe is a reason to not, when this is your last shot. Spend it well, but spend your last breath. God's called in there, because here comes death. Well, listen, this is a good day for us all. Oh, to let yourself float around in nothingness. Be sure to bring along your favorite books. As long as it's not what some may mistake for reason. waters the moss is the memory of that beautiful night. Back home late from the airport after a long flight. I wonder if you wake up at night. If guilt was even for a moment a feeling you had to fight. Now live your perfect life, redeeming yourself as the perfect wife. I wonder if you wake up at night. If guilt was even for a moment a feeling you had to fight. I live round your destructive appetite. Yeah. Thank you. le très bon Richard Schaublum avec Birdfish et la pièce c'est Factory. C'est le disque bonus qu'on retrouve avec la version deluxe de 4626 Comfort Zone. Le dernier album, et, ben, il ne devrait pas en avoir d'autres parce que le groupe est séparé malheureusement. On pleurera jamais assez la disparition de Birdfish. Mais heureusement, Richard Schaublum est là. Et il sera même en nos murs le 16 octobre prochain. Et vous pouvez avoir des billets en contactant Michel Bilodeau à Terra Incognita. Donc c'est terraincognitamail@hotmail.com. Terra Incognita Mag. Et juste avant, c'était avec des sonorités très Pink Floyd. Hein. On a entendu No Sound avec le nouvel album Scintilla, et on avait débuté avec Seven Impale, un groupe norvégien dont on va entendre parler beaucoup, je pense, dans les prochaines années. Déjà, qui avait sorti un premier disque très bon. Et Contrapasso, ben, je pense que ça poursuit dans la même veine. Et ben, je vous parlais du magazine Progressis. Cet été, j'ai lu le très bon livre d'Améric Leroy sur la musique de Canterbury, une brique assez phénoménale là, d'environ 750 pages. Et mon Dieu, c'est captivant. Et c'est aux éditions Le Mot et le Reste. Mais là, je vois dans le magazine Progressis qu'il y a le même genre d'ouvrage qui est fait par David Rossin sur la musique psychédélique, le rock psychédélique. Et disons que ça me donne le goût là, de lire ce genre de livre-là. Il y a toujours des choses très intéressantes qui sont publiées sur cette édition-là. Et toujours dans le magazine en question, on parle du groupe Murky Red. Et il y a une citation que je trouve intéressante, c'est qu'on dit « L'industrie musicale tirerait tellement d'avantages et de liberté, arrêter de mettre des étiquettes sur tout. » Effectivement, c'est vrai, surtout dans la musique progressive, on a tendance à s'enfarger un petit peu là, dans les étiquettes. Et quand on parle de musique progressive, ça sous-tend un petit peu qu'il y a une progression, mais... Si on pense au blues, le blues perpétue un petit peu les mêmes patterns, mais on peut voir une certaine évolution dans la façon de le faire. Et la musique progressive, ben, je pense qu'elle peut suivre les mêmes patterns aussi. On peut faire revivre des sons qui sont un petit peu plus vieux. Je pense à Seven Impale. On sent un petit peu de vieux Van de Graaff là-dedans, et moi je trouve ça rafraîchissant. Et ben, c'est déjà le dernier bloc en ce qui nous concerne, juste avant l'autoroute. Et ben, il y a une nouveauté là, qui vient sortir, forcément. C'est le groupe Gong. Et vous allez me dire, mais David Allen est mort. C'est quoi l'idée de faire un nouveau disque de Gong? Ben, il avait recruté des jeunes musiciens qui l'ont aidé à faire le disque précédent. Et cette fois-ci, ben, de façon assez humoristique, l'album s'appelle Rejoice, I'm Dead. Et ça fait référence, évidemment, à la disparition du mentor qui est David Allen. Et ben, c'est nouveau un petit peu pour moi, là. Je l'ai écouté à peu près juste une fois, mais on va en entendre un extrait qui s'appelle justement Rejoice, qui est la pièce titre. Et on va y aller ensuite. D'un groupe un petit peu spécial, je parlais tantôt d'étiquette, ben je fais référence un petit peu à ça. Est-ce que c'est vraiment du progressif, le groupe Three Trapped Tigers, avec leur album Silent Earthling? Oui, probablement. Mais on est aussi proche de la musique techno. Et un groupe que j'ai découvert avec le magazine toujours progressiste numéro 85, c'est Motor Psycho, qui, eux, se foutent pas mal des étiquettes et évoquent dans le rock, dans le psychédélique et tout ce qui tourne autour, et évidemment la musique progressive, avec leur dernier album, Herbie Monster. Donc, on va entendre ces trois pièces-là et on vous revient tout de suite après. We'll be right back. still remains the same. And even though it's everywhere, well, no one wants to speak its name. Sky. vient d'entendre Motor Psycho, un groupe de la Norvège qui est très actif présentement dans le milieu de la musique progressive. C'était précédé de Three Crap Tiger et on avait débuté par Gong. Et c'est déjà tout pour nous. Revenez-nous la semaine prochaine avec Michel qui sera à la réalisation de l'émission et avec toujours Bruno. Ça a été un plaisir d'être avec vous et restez à l'écoute. Parce que l'émission L'Autoroute sera là avec Vincent suite après nous. Et pour l'instant, c'est une reprise de Aaron Butterfly et Nagada Davita, mais c'est repris par le groupe allemand Vibravoy. Donc, bonne semaine à tous. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. La 26e édition des rendez-vous Estrade du 6 au 10 octobre dans le quartier Petit Champlain et au Cercle sur Saint-Joseph. Plus de 40 artistes porteurs de traditions dont Réveillon, Galant, tu perds ton temps, Farah Fikeb, Crépuscule, Les Chauffeurs à pied, le duo Alex Keller et Nicolas Williams et bien d'autres. 5 jours de musique, de chansons, de danse et d'ateliers, une grande soirée toute féminine, des lancements d'albums, un bal électro-trad, la joute et la randonnée chantée. Toute la programmation sur estrade.qc.ca. Un festival qui vous fera découvrir la musique traditionnelle d'ici et d'ailleurs. Où es-tu, ma petite? Pourquoi t'as-t-on massacré? Pourquoi t'as-t-on fourré dans cette benne à ordures comme un poison défendu? Te violer, te lacérer, t'enfouir, t'abandonner. Je retrouverai le salaud qui t'a arraché un faux consentement ou je m'abîmerai à ta mémoire. Robert Racine, L'ombre de la terre. Festival Québec en toutes lettres, une édition noire, du 29 septembre au 9 octobre. Le gala et l'autre gala de la disque reviennent cette année pour récompenser les artistes et artisans du milieu du disque et du spectacle québécois. Olivier Robillard-Lavoux tiendra la barre de l'autre gala alors que Louis-José Houde animera le gala pour une 10e année consécutive. Qui remportera les prestigieux prix Félix? Écoutez l'autre gala et le gala de la disque. Deux rendez-vous les 27 octobre et 8 novembre. En collaboration avec Musique Plus, Musimax et ici Radio-Canada Télé. Tous les détails sur palmarèsadisque.ca. Cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps.